Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quel 21 mars avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 21 mars 1935, Julien, le jour où la Perse est devenue l'Iran. L'Empire perse fait référence à l'une des plus anciennes civilisations, bien entendu. L'histoire a gardé en mémoire des noms aussi glorieux que ceux de Darius, d'Artaxerxès, des cités comme Antioche, Ispahan, Persépolis, qui sonnent comme autant de rêves. Mais pourquoi avoir changé de nom alors, Franck ? Eh bien, la Perse avait depuis longtemps décliné, le pays s'est endormi, a rétréci aussi. En 1921, le général Reza Shah Pahlavi prend le pouvoir, il est proclamé Shah par l'Assemblée constituante, il est couronné en 1926. Et quel est son premier geste ? Revendiquer l'indépendance de la Perse, qui à l'époque était dominée par les Russes et par les Britanniques. Il va aussi moderniser le pays en profondeur, et pour montrer sa détermination, ce 21 mars 35, donc, il annonce au monde que son royaume s'appellera désormais Iran. L'Iran impérial est né, on appelle ça l'État impérial d'Iran. Mais on ne modernise pas un pays simplement en changeant son nom. Non, ça je vous l'accorde. Du reste, le Shah Reza pense comme vous. Sur le plan économique, il développe le chemin de fer, il favorise l'industrie, il crée des universités, il calque les institutions sur un modèle européen. Sur le plan social, c'est quasiment une révolution puisqu'il modifie le mode de vie. Les hommes doivent s'habiller désormais à la mode occidentale, les femmes n'auront plus le droit de se voiler. Or, après la mort de Pahlavi en 1944, son fils va continuer son œuvre et d'une manière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été également volontariste, et avec un régime nettement plus militaire d'ailleurs. Et tout ça va faire plus tard le lit des ayatollahs qui sont, eux, partisans d'une tradition pure et dure. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour une plongée au cœur de l'histoire écossaise, aux côtés de Bonnie Prince Charlie, le prétendant Stuart à la couronne d'Écosse. Tout un programme passionnant à n'en pas douter. Merci Franck Ferrand, à tout à l'heure donc à 14h pour Au cœur de l'histoire. À venir dans